des nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il y a des voix que l'on ne peut pas entendre tout à fait comme on entendrait d'autres voix. La voix de Marie Trintignant est de celle-là. Cette voix, nous allons l'entendre maintenant, enregistrée en 2001. Elle était l'invitée de l'émission « C'est entendu » où elle réagissait aux mots que lui soumettait Véronique Olmy. En 2001, Marie Trintignant avait 39 ans et déjà une longue histoire de comédienne. En 2001, Marie Trintignant avait encore devant elle tout l'avenir, mais... C'est entendu, Marie Trintignant, une émission diffusée la première fois, le 23 août 2001, sur France Culture. C'est entendu, Véronique Olmy. Ce soir, Marie Trintignant. Marie, c'est un train en marche, rien ne l'arrête, dit de vous votre mère, Nadine Trintignant. Et c'est vrai que lorsqu'on se penche sur votre biographie, Marie Trintignant, on est stupéfait. Vous qui rêviez d'être vétérinaire ou courtisane, débutez à 3 ans au cinéma, aux côtés de votre père, dans un film de votre mère, et dès lors, le train ne s'arrêtera plus. Déjà 25 films à votre actif, dans lesquels vous interprétez des rôles pour le moins difficiles. Vous avez joué une suicidaire, une nymphomane, une tueuse, une alcoolique, une prostituée, une mythomane, une kleptomane, une adolescente muette. Vous pensez que la normalité n'a pas beaucoup d'intérêt et donnez à chacun de vos rôles une étrangeté inquiétante et émouvante aussi. Il y a en vous quelque chose de réservé et de ludique, d'alangui et de déterminé, une fantaisie grave. Lorsque vous étiez petite, votre père vous lisait des poèmes, Baudelaire, Desnos, Prévert, Léris, Supervielle, et vous en avez gardé le goût des mots et de la poésie, rejoignant ce père dans sa passion. Vos lectures à deux voix des poèmes à Lou d'Apollinaire ont bouleversé les spectateurs et remis la poésie au centre de la scène. Avec cet étonnant mélange de retenue et d'ironie dont vous avez le secret, j'allais dire la magie, vous savez aussi être drôle. On vous a applaudi cet hiver dans une pièce de Samuel Benchetrit, comédie sur un quai de gare, dans laquelle vous interprétiez la fille de Jean-Louis Trintignant, donnant aux spectateurs l'occasion d'être complice de votre complicité père-fille et de savourer 1 heure et demie de légèreté, de tendresse, de dérision et de mélancolie. Oui, dans la saga Trintignant, il n'y a pas de cloisonnement. On s'aime et on travaille en famille. La famille, vous savez ce que ça veut dire, vous qui êtes la mère de 4 garçons, et cette saga apparaît comme une véritable planète, un monde en soi que l'on regarde émerveillé, un peu envieux, épaté. La vie en marche. Ce soir, Marie Trintignant, si vous le voulez bien, partageons les mots et l'humour. Ennemi. J'aime pas l'idée d'ennemi, mais il y en a qui sont là, forcément. Mais c'est négatif, c'est pas un mot qui me fait rêver. Bougie. Bougie, ça j'aime. Moi, j'aime les lumières basses, j'aime l'odeur, que ça s'éteigne. Échange. C'est du matin au soir. Zéro. Mes grands-parents me les fêtaient à l'école quand j'avais des zéros. Doctrine. Docte quoi? Route. Route, c'est bien, c'est la curiosité, on ne sait pas ce qu'il y a au bout. C'est en même temps dangereux. Tricot. Chaud. Miracle. Il y a plein de miracles qui sont... Parce qu'on attend. Un enfant, c'est un miracle. Si on est de bonne humeur, le jour qui se lève, c'est un miracle. Colin Maillard. Euh, J'aimerais bien savoir d'où ça vient, ces deux mots, Colin et Maillard. Puissance. Ça me rassure pas. Bigorneau. Ah, les enfants du bulot, j'adore. 13. Le chiffre ? Le chiffre. C'est le louche, 13. Le louche ? Oui, je suis pas une... Je suis pas du tout superstitieuse, moi, donc le chiffre 13 est une superstition en soi. C'est des beaux polars, c'est vendredi 13, c'est tout ça, mais ça me touche pas. Ça m'amuse, mais ça me touche pas. Dispute. Inévitable, hélas. Vous avez des souvenirs de disputes ? Oh oui, comme tout le monde. Paresse. Ah, Jules Renard, il a écrit une jolie phrase là-dessus. Il dit « Paresse, je pourrais écrire un traité si ce n'était pas un si grand travail. » Il y a une autre phrase de lui que j'aime bien. Les écrivains, ils ont bien écrit sur la paresse, parce qu'ils sont souvent paresseux. C'est « habitude de se reposer avant la fatigue ». Rouge-gorge. J'ai pas encore atteint un grand amour des oiseaux, mais ça viendra. Ballon. Ballon. Ça peut rester au sol comme un ballon de foot ou de rugby. Enfin, ça ne reste pas qu'au sol. Et ça peut être aussi un ballon rempli de... C'est l'hélium qui s'envole. Donc c'est bien les ballons parce que c'est peut être en même temps léger, en même temps lourd. Ça peut être heureux pour un enfant et malheureux pour un adulte qui a atteint un but. Injure. C'est une défense un peu lamentable qu'on a tous en nous, hélas. Vous injuriez ? Oui, en voiture. On m'a dit un jour que les gens qui prenaient leur voiture, ils allaient à la guerre. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se fait insulter, on finit par être comme eux. C'est un peu le nivellement par le bas. Mais ça atteint tout le monde, même les plus pacifistes comme moi. Lumière. Lumière. Moi, c'est la chose auquel je suis peut-être le plus sensible dans une maison, c'est les lumières, c'est d'où elles viennent. Au cinéma aussi, ça a une importance, au théâtre. Moi, la lumière, ça m'atteint, mais d'une manière basique, pas irréelle. Il y a la lumière des gens aussi, mais je le vois plus comme comme quelque chose de concret. Bouchon. Quel genre de bouchon ? Celui que vous voulez. J'aime bien les bouchons des bouteilles quand ils se débouchent. D'année. D'année, c'est le sens du péché, je ne l'ai pas vraiment. Ascenseur. Ascenseur. Ascenseur, ça me rappelle Isabelle Huppert que j'allais chercher au 5e en descendant au rez-de-chaussée parce qu'elle n'osait pas y aller. Là, il y avait Ariane qui était là aussi, qui a une grande phobie des voitures, des ascenseurs. Mais où ça, au 5e ? À Yokohama, où il y a des grands... Qu'est-ce que ça me rappelle d'autre ? Oui, l'idée de faire l'amour dans un ascenseur, j'ai jamais osé, mais ça me fait assez envie, ce danger-là. Blâme. Oh, ça me rappelle la scolarité. Vous avez eu des blâmes ? Non, mais... Enfin, peut-être, mais j'ai oublié. Chapelet. Nervosité. Calcul. Heureux qu'ils peuvent les faire. Annonce. C'est bien, c'est des mots à double. Il y a l'annonce faite à Marie qui est une... Envie. Envie. Gourmandise. Dehors. Faut que ce soit mieux que dedans. Peigne. Peigne, moi ça me rappelle les Espagnols. Alarme. Alarme. J'ai un souvenir d'alarme avec une alarme que j'avais mise chez moi parce que des mecs se baladaient sur le toit et un jour elle s'est mise en route sans qu'il y ait personne. Et j'ai eu peur de la surdité. Donc pour moi, alarme, c'est vraiment un rapport à la surdité. Paravent. Paravent, théâtre. Aérosol. Aérosol, c'est les bombes, là. Des fois, c'est bien. Courbette. Par révérence, courbette. Courbette. Au dernier moment. Déception. Faut pas que ça dure longtemps. Majorité. Française. majorité. Ça a gagné. Non, je sais pas. Offense. Offense qu'un homme peut faire à une femme ou une femme à un homme. Envol. Bon, c'est notre rêve à tous. Éléphant. La force et la naïveté. Sirop. Eau. Vengeance. Immédiate. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette musique ? De la douleur, peut-être de la vengeance. Mais de la douleur, oui, sûrement. C'est drôle parce que quand ça a commencé, je pensais que ça allait être très électronique. Et puis quand d'un coup, cette voix humaine est arrivée, ça m'a fait une contraction. Et c'est devenu, une voix humaine, c'est devenu humain, mais c'est... Ça a eu une résonance. Au départ, j'ai beaucoup de retard en musique, donc j'ai un peu de mal avec tout ça. Et dès que la voix est arrivée, ça m'a touchée. Mais pas d'une manière épanouie et heureuse, d'une manière plutôt douloureuse et renfrognée. Merci Marie Trintignant. Marie, elle porte tout en elle. Le dedans et le dehors. La lumière. L'envie de venir au jour, comme on vient au monde. L'envie de se lever de bonne humeur pour savourer les petits miracles d'une journée. Un enfant. Un bon vin partagé. L'échange entre deux êtres. Et la paresse aussi. Celle des vrais pacifistes. Mais autour d'elle, le monde s'agite trop fort. Il y a les alarmes qui ne sonnent pas au bon moment, les voitures qui font d'un être humain un chauffard, les offenses, les inévitables déceptions, les compromis du dernier recours. Alors, Marie rêve, se souvient. Un ascenseur japonais qui paralysait les copines. L'ascenseur de demain dans lequel elle osera faire l'amour. Ces mauvaises notes dont se jouaient ses grands-parents. Les ballons qui s'envolent. Je me dis que Marie porte bien son nom. Elle est femme entièrement. Une femme qui n'a pas le sens du péché, mais à mon avis, le péché, lui, doit avoir envie de Marie, de sa lumière, dedans et dehors. C'est entendu, Véronique Olmy. Vous venez d'entendre C'est entendu avec Marie Trintignant au micro de Véronique Olmy, une émission diffusée la première fois le 23 août 2001 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do, but I get along without you very well. I've forgotten you just like I should. Of course I have, except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've forgotten you just like I should. What a guy, what a fool am I to think my breaking heart could kid the moon.